Voici, en une heure, la première série de larges extraits de « L'homme qui rit », roman de Victor Hugo, publié en 1869. Enregistrement, choix des extraits, rares et courts résumés de Jean-Paul Alexis, juillet-août 2018.